Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 3. De l'acte extérieur de la foi. Si la confession de la foi est un acte de foi, si elle est nécessaire au salut. 1. La confession de la foi est-elle un acte de foi ? La confession des vérités de la foi se rapporte évidemment à la foi elle-même comme à sa fin, ainsi que le marquent ces paroles de l'apôtre, ayant le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. 2 Corinthiens 4, 13. La parole extérieure n'a-t-elle pas pour but d'exprimer la pensée du cœur ? De même donc que l'assentiment intérieur est un acte de foi, la confession extérieure est pareillement un acte propre à la foi, laquelle, selon l'expression de saint Paul, se manifeste par les œuvres. 2 Thessaloniciens 1, 11. 2. La confession de la foi est-elle nécessaire au salut ? On connaît ce passage de l'Épître aux Romains. 10, 10, il faut croire de cœur pour être justifié, et, pour être sauvé, il faut confesser sa foi par la parole. Toutefois, le précepte de confesser sa foi est un précepte affirmatif, et ces préceptes, quoi qu'ils soient toujours obligatoires, n'obligent pas à tout instant. La confession de la foi n'est donc pas de nécessité de salut en tout temps et en tout lieu, elle l'est seulement lorsque son omission priverait Dieu de l'honneur qui lui est dû, ou le prochain d'un secours auquel il a droit. Un homme qui, par exemple, interrogé sur la foi, donnerait à croire, en ne répondant point, ou qu'il n'a pas la foi ou que la foi n'est pas vraie, serait dans la nécessité de confesser sa foi. Il en serait de même de celui qui devrait causer par son silence l'apostasie de quelqu'un. Quand la gloire de Dieu ou l'intérêt du prochain l'exige, nous ne devons pas nous contenter d'être unis à la vérité divine, nous devons confesser extérieurement la foi. La foi elle-même est en danger. Il ne serait pas bon de la confesser publiquement dans le cas où, sans aucun avantage pour elle ou pour les fidèles, on produirait des troubles parmi les infidèles. Notre Seigneur a dit, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur que, se retournant contre vous, ils ne vous déchirent. » Matthieu 7, 6. Mais, lorsqu'il y a nécessité ou utilité, on doit confesser sa foi ouvertement, sans s'inquiéter du trouble des infidèles. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.